This is Eagle Scream. Autour d'elle, tous les hommes ont envie de l'approcher. Donc j'ai dû apprendre sa langue pour mieux l'aborder. She make me wanna say, yeah, yeah, yeah. Porque tú sabes que te quiero y tú me quieres a mí. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Cuando te veo, sensaciones se apoderan de mí. Sa beauté a creusé, un énorme fossé qui fait qu'on l'a classé loin des autres filles. Quelques gouttes de rosée se sont même posées sur sa peau bronzée pendant la nuit. Yeah, son regard c'est son âme, yeah, yeah, yeah, yeah. C'est sur moi qu'elle l'a braqué, yeah, yeah, yeah, yeah. Elle assume jamais, yeah, yeah, yeah, yeah. Je crois que la faudra frapper, je vais lui faire quitter son quartier. Son quartier. Je lui dis des choses qui rendent jalouse ses amis, mi, mi, mi, mi. Depuis des années, j'ai trouvé celle qui me fallait ça. Autour d'elle, tous les hommes ont envie de l'approcher. Donc j'ai dû apprendre sa langue pour mieux l'aborder. She make me wanna say, sabes que te quiero y tú me quieres a mí. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Cuando te veo, sensaciones se apoderan de mí. Elle se déhanche, je vois qu'elle aime danser sur du reggaeton. Elle a de quoi enflammer toutes mes nuits, yeah. Elle aime la danse, j'ai même l'impression qu'elle en fait des tonnes. Avec elle, impossible de s'ennuyer. Il ne reste plus d'espace entre elle et moi. Elle est collée, yes, à moi comme un aimant. Je me demande, on communique comment. J'aimerais qu'elle finisse dans mes bras. Ah, ah, ah, ah, ah. Elle sait comment m'enflammer toute la nuit, yeah. Ah, ah, ah, ah, ah. Elle me fait prendre des risques. Autour d'elle, tous les hommes ont envie de l'approcher. Donc j'ai dû apprendre sa langue pour mieux l'aborder. She make me wanna say, sabes que te quiero y tú me quieres a mí. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Cuando te veo, sensaciones se apoderan de mí. Yeah, yeah, yeah. Porque tú sabes que te quiero y tú me quieres a mí. Yeah.